Donc, on va commencer. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On sait qu'on est dans les 12 jours les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, donc, et puis, dans ces jours-là, c'est les meilleurs jours de l'année. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie dans ces jours-là nos actions et nos récompenses. Alors, on souhaite que, inshallah, il multiplie notre récompense, le fait qu'on soit en train de se rappeler de lui et en même temps qu'on est en train d'étudier sa religion. Et un des plus nobles sujets de la religion, c'est l'aqida. Et donc, c'est de ce sujet-là dont on parle. Donc, tout de suite, on va continuer dans le sujet où on était rendu la dernière fois. Et puis, c'était toujours au sujet de al-shirk fi at-ta'a. OK? Le shirk dans l'obéissance. Donc, le shirk dit. Oui, on était rendu au point où le shirk il expliquait maintenant un autre extrême. Il a expliqué un extrême. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il a expliqué un extrême, c'était ceux qui, yani, voulaient dire aux gens qu'on est obligé de suivre aveuglément un madhab ou une position d'un shirk. Et là, le cheikh, il montrait aussi qu'il y a un autre extrême, c'est ceux qui disent aux gens que tout le monde doit prendre directement du Coran et de la Sunna et le comprendre comme ils veulent, et en sans se référer jamais aux paroles des ulama de l'islam. Ok? Et donc, le cheikh, il expliquait que ça aussi, c'est un extrême qui est très dangereux, parce que les ulama, ils ont laissé pour nous une grande richesse de connaissances dans leurs livres, et qu'est-ce qui compte, c'est qu'on prenne leurs livres et qu'on prenne dans leurs livres et dans leurs paroles tout ce qui est en accord avec Al-Qur'an ou Sunnah. Tout ce qui est en accord avec Al-Qur'an ou Sunnah, on l'accepte, on le prend et on l'utilise comme pour renforcer notre conviction et notre croyance et, par rapport à tout ce qui est et tandis que tout ce qui est contraire au Qur'an et à la Sunnah dans leurs paroles, on le laisse tomber. C'est pas comme la parole d'Allah ou la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la parole d'Allah, on doit tout accepter. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit tout accepter. Mais quand c'est la parole d'un autre que Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors là, on doit toujours faire attention et distinguer ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Donc, c'est pas, depuis que c'est pas le Coran et la Sunna, on le rejette. Peut-être que dans ce qui est en dehors du Coran et de la Sunna, parmi les paroles des ulama, il y a des choses qui sont correctes. Et ça, on doit l'accepter. Et on l'utilise pour confirmer et pour raffermir ce qui est vrai de l'islam. D'accord? Donc, le chef, il avait expliqué ça. Et donc, qu'est-ce qu'il explique? Il dit qu'il ne faut pas exagérer, ni d'un sens, ni dans un autre. Et on doit essayer d'être au juste milieu. Après, le chef, il dit: وكما لا تجوز طاعة العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال فكذلك لا تجوز طاعة الأمراء والرؤساء في الحكم بين الناس بغير الشريعة الإسلامية لأنه يجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله في جميع المنازعات والخصومات وشؤون الحياة لأن هذا هو مقتضى العبودية والتوحيد لأن التشريع حق لله وحده كما قال تعالى ألا لله الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر هي أي هو الحكم وله الحكم هو الحكم وله الحكم قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc le chef il dit de la même façon qu'il n'est pas permis d'obéir aux ulama lorsqu'il rend halal ce qui est haram ou lorsqu'il rend haram ce qui est halal, de la même façon il n'est pas permis non plus d'obéir aux dirigeants et aux chefs d'État lorsqu'ils jugent entre les gens d'après ce qui est contraire à la charia islamique. Pourquoi? Et le chef il dit parce que c'est obligatoire de juger selon le livre d'Allah et la sunna de son messager dans tous les conflits et dans toutes les discordes et dans toutes les choses de la vie en entier. Il n'y a pas certaines choses qui sont pour juger d'après le Coran et la Sunna et d'autres choses qu'on juge selon d'autres lois ou d'autres systèmes qui sont différents du Coran et de la Sunna. On doit tout juger, toute chose selon l'islam, selon le Coran ou la Sunna, c'est-à-dire la charia islamienne. Ok? Et on a avancé qu'il y a des gens qui veulent faire la distinction dans certaines choses. Ok? Ils croient que dans l'économie, dans la politique, dans les choses sociales, la religion n'a pas rapport. Je pense que c'est seulement dans les questions de prière, de jeûne, ou des choses qui concernent la mosquée. Là, on va juger selon l'islam. Mais quand ça concerne des choses en dehors de ça, ils disent non, on veut rien savoir de la religion là-dedans. Ok? Quand c'est des choses judiciaires, politiques, militaires, économiques, relations internationales ou toute autre chose, là, ils disent non, la religion n'a rien à voir là-dedans. Nous sommes des laïcs. Ils veulent séparer la religion et la vie. Et la vie, et tous les autres aspects de la vie. Et donc, c'est pour ça que le cheikh, il explique ça. Après, il dit, parce que, il dit que de juger selon la charia, c'est une des choses qui est entendue par l'obéissance d'Allah, l'adoration d'Allah, et par le tawhid, l'unicité d'Allah. Pourquoi? Parce que la législation, c'est un des droits d'Allah seul. C'est seulement Allah ta'ala qui a le droit de dire ceci est légal, ceci est illégal. Ceci est permis, ceci est interdit. Personne n'a le droit de déterminer ça, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر. C'est à lui que qu'appartient la création et l'ordre. C'est-à-dire c'est lui seul qui crée et c'est lui seul qui ordonne. Et le chef il explique, il dit, c'est-à-dire c'est lui le juge. Et c'est à lui que retourne le décret ou la décision. Après, dans une autre ayah, il mentionne et dit, et si vous êtes en discorde dans quoi que ce soit en ce qui concerne la vie, vous êtes en discorde dans quoi que ce soit, alors retournez à Allah pour savoir son jugement. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. C'est-à-dire, vous avez une discorde, un conflit en quoi que ce soit, retournez au Coran, retournez à la Sunna pour essayer de trouver la réponse à vos disputes, à vos discordes. C'est là que vous allez la trouver. Et on ne doit pas essayer de trouver des solutions qui vont à la fin être en désaccord avec qu'est-ce que Allah et son messager ont ordonné. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Et si vous avez un désaccord ou un problème, vous n'êtes pas en accord sur quoi que ce soit, alors retournez à Allah et à son messager. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier, parce que c'est mieux, c'est meilleur, c'est une bonne chose et c'est la meilleure des conclusions que vous allez trouver lorsque vous allez retourner à Allah et au messager. Et comme on avait déjà expliqué, de retourner à Allah et à son messager, ça signifie de retourner au Coran et de retourner à la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, le cheikh dit فالتحاكم إلى شرع الله ليس لطلب العدل فقط وإنما هو في الدرجة الأولى تعبد لله وحق لله وحده وعقيدة فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين البشرية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين بها شركاء لله في تشريعه كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Donc le chef il explique ici et il explique un point qui est très important. Il dit lorsqu'on dit qu'on doit juger selon la loi d'Allah, la sharia d'Allah, ça ne signifie pas seulement qu'on le fait pour demander la justice. Comme par exemple certaines personnes, ils s'imaginent que le but d'appliquer la charia, c'est uniquement de demander, de chercher la justice. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bien entendu, toute la justice vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait d'injustice à personne. Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait même pas le poids d'un atome d'injustice. D'accord? Sauf que, lorsqu'on juge sur la charia, certains, par exemple, vont parler de justice et tout ça, et ils essaient de montrer comme si le but de la charia, c'est uniquement d'appliquer la justice. Sauf que, il faut pas oublier que la charia, elle vient avec une aqida. D'accord? C'est pas seulement un système comme, par exemple, les gens qui prétendent à la démocratie et qui appellent les gens à la démocratie, ils appellent ça au nom de la justice. Et ils disent que ce qu'ils appellent les gens à suivre, c'est la justice, d'accord? Et pour eux, il n'y a aucune distinction là-dedans entre les croyances. Quelqu'un peut être un hindou, un bouddhiste, un chrétien, un musulman, un juif. Pour eux, ça n'a aucune importance. Parce que, en réalité, pour eux, il n'y a pas une base sur laquelle ils se basent pour déterminer ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui est injuste. C'est toujours basé sur une question de majorité ou minorité. Si la majorité de la population se sont entendus pour dire que quelque chose est bon, alors ça va être accepté et ça va être déterminé comme étant une bonne chose, même si Allah l'a interdit. Et si la majorité de la population ont déterminé que quelque chose est mauvais, même si c'est quelque chose que Allah a ordonné, eh bien ils vont le considérer comme étant mauvais. Donc c'est-à-dire que pour ces gens-là, il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondement. Après, peut-être à une certaine époque, la majorité considère que quelque chose est mauvais, et puis dans 10 ans, dans 15 ans, après avoir travaillé avec toutes sortes de moyens de propagande ou toutes sortes de choses comme ça, en utilisant les informations, les médias et tout ça, ils arrivent à changer l'opinion publique pour essayer de leur faire accepter une idée. Et bien après un certain temps, cette chose qu'ils croyaient être mauvaise ou qu'ils considéraient comme mauvaise, ils décident que cette chose-là maintenant est devenue bonne. Alors là, ils font un projet de loi, ils votent ce projet de loi, et puis au lieu d'être mauvaise, maintenant elle devient bonne. Hein? Et peut-être que tu vas être, par exemple, tu vis dans un état ici, aux États-Unis, tu es dans un état, et puis tu fais un acte qui est considéré comme un crime. Tu traverses quelques kilomètres, tu traverses cet état, tu t'en vas dans un autre état à côté, c'est considéré comme légal. C'est-à-dire, dans un état, tu étais un criminel, et tu traverses l'autre frontière, et ça y est, maintenant, tu es devenu un citoyen honnête. Donc, c'est comme ça que leur loi et leur système fonctionnent. D'un état à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'une époque à l'autre, tout change. Il n'y a rien de stable dans leur idée. Et donc, il n'y a pas vraiment un fondement, comme je disais, pour déterminer qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste. Tandis que, dans l'islam, on sait que lorsqu'on a cru en Allah, on a cru au Coran, on a cru en la Sunna, on sait que tout ce qui vient d'Allah est justice. Il n'y a aucune injustice dans ce qu'Allah nous a ordonné. Malgré que les kuffars, eux, peuvent considérer que dans l'islam, il y a des injustices envers certaines groupes de personnes. Vous comprenez? Sauf que pourquoi ils voient ça de cette façon-là? C'est parce que justement, ils n'ont pas cru en la sagesse d'Allah. Ils n'ont pas cru en la connaissance infinie d'Allah. Ils n'ont pas cru que celui qui a révélé ces lois-là a une connaissance infinie de la nature humaine. Et que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui est meilleur pour l'homme. Même, il sait mieux pour l'homme, il sait mieux que l'homme qu'est-ce qui est bon pour l'homme. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. N'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ce qu'il a créé, alors que c'est lui Al-Latif, il est le doux et Al-Khabir, celui qui a connaissance, qui est informé de toutes choses. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne des choses, c'est la justice. Comme par exemple, il a ordonné à la femme Al-Hijab, il a ordonné à l'homme certaines règles qu'il n'a pas ordonné à la femme, il a ordonné à la femme certaines règles qu'il n'a pas ordonné à l'homme. Pour les kuffars, ils vont dire ça, c'est une injustice. Vous comprenez? Parce que justement, ils n'ont pas compris même le fondement même de la justice, qu'est-ce que ça signifie. Hein? Mm-hmm. C'est une bonne question. Le frère, il demande, il dit comment ça se fait que dans certains pays musulmans où, la charia est appliquée, comme par exemple l'Arabie Saoudite, on voit qu'il existe beaucoup d'injustices. Comment on peut faire le lien entre ouais, c'est ça. Alors ils disent comment on peut mettre ensemble le fait qu'on applique la charia et le fait que les injustices existent, et puis que parfois il y a plus de préférence ou plus de liberté ou de droit pour certains qui sont plus riches que d'autres qui sont plus pauvres, ont moins de droits ou des choses comme ça. Eh bien, la réalité là-dessus, c'est que le fait que la charia soit appliquée dans un pays, ça ne veut pas dire que dans ce pays-là, il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas de ma'asi ou des choses contraires à l'islam. Hein? La charia, ça ne veut pas dire que les gens vont devenir des anges sur terre, qui vivent seulement et qui ne font aucun péché. Non. La charia, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont faire des crimes, il va y avoir des gens qui... Il y a des gens qui font des péchés, qui boivent de l'alcool ou qui font l'adultère ou des choses comme ça, excepté que ces choses-là ne sont pas protégées par la loi. Ces choses-là ne sont pas approuvées par le système. Comme ici par exemple, ces choses-là sont acceptées et permises. Dans les pays musulmans où la charia est appliquée, même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des cas où des gens ont fait l'alzina. Il y a eu des cas où des gens ont bu l'alcool. Il y a même des hadiths rapportés là-dessus et qui mentionnent ces choses-là. Il y a eu des gens qui ont fait différentes formes de péchés. Et à chaque fois que ces choses-là se produisaient, eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il jugeait d'après les gens selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait révélé. D'accord? Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à la fin, il y a une diminution de ces péchés-là. D'accord? C'est sûr que, la foi d'un croyant, elle augmente et elle diminue. On n'est jamais au même stade dans notre foi selon notre niveau d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien c'est la même chose aussi pour les pays, la même chose. Il y a des pays qui sont à certains moments ils sont plus forts dans l'islam et à certains moments aussi où ils s'éloignent un peu plus de l'islam. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand les pays ou les états musulmans ils s'éloignent un peu de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الله سبحانه وتعالى il va essayer de les punir dans certains châtiments pour les faire revenir au bon chemin des fois. Ou bien parfois il y a des gens parmi ces gens-là qui travaillent pour faire le da'wah, pour faire le nasiha, pour essayer de donner le conseil, pour essayer de rappeler aux gens qui dirigent que ce qu'ils font ils doivent être plus sérieux et plus fort dans leur application de la charia et tout ça, et de dénoncer par exemple certaines formes d'injustice qui existent dans la société et tout ça, essayer de rappeler aux dirigeants, aux gens responsables de la Umma de leur obligation envers Allah SWT vis-à-vis de la population qui est musulmane. Tout ça, ça fait partie de l'islam, et on connaît aussi l'importance dans l'islam du principe qu'on appelle Al-Amru bil-Ma'ruf wa-Nahy al-Munkar, c'est-à-dire d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Tout ça, c'est des choses qui font partie des principes de l'islam pour toujours essayer de réformer la société quand il y a trop de péchés et de corruption. D'accord? Donc ça, c'est des choses que tu mentionnes, en fait, c'est normal. Et puis, il faut jamais oublier que, même si, dans certains pays, comme tu as mentionné l'Arabie Saoudite, il y a des choses comme ça qui existent, et ça c'est vrai, mais si on compare ces choses-là et on compare d'autres pays où la charia n'est pas appliquée, eh bien c'est multiplié par 100 des fois et plus. Sauf que le problème, c'est parce qu'on les pointe du doigt plus directement, parce que eux, ils ont clairement déclaré qu'ils appliquent la charia. Et aussi, il faut dans les non regarde ouais Non, pas pour vous rentrer. D'accord. Par exemple, tu veux savoir quoi exactement? Si on doit. Si ça, ça fait partie de la charia. Ça fait partie de la charia. Oui, ça fait partie de la charia. Non, non. Il faut. Ça, là, c'est des choses, ok. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a certains péchés pour lesquels il a déterminé une punition spécifique. D'accord? Comme par exemple le meurtre, par exemple l'adultère, par exemple le vol, des choses de ce genre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déterminé des punitions spécifiques dans le Coran et dans la Sunna. Ces péchés-là, si les gens les commettent et qu'il y a des témoins, d'accord, et que le juge fait son enquête et tout, et qu'il décide à la fin que cette personne-là, elle mérite la punition que Allah a décrétée pour ce genre de crime, alors c'est sûr qu'ils vont appliquer sur ces gens-là la punition d'Allah, d'accord. Mais il y a certains autres péchés ou des choses qui sont interdites dans l'islam, sur lesquelles il n'y a pas de punition spécifique, et dans ces cas-là, c'est au juge d'appliquer pour ces gens-là une punition qui correspond à leur péché, selon son jugement à lui, d'accord. On appelle ta'zir, c'est-à-dire une punition. Ça peut être l'emprisonnement, ça peut être certaines choses. Mais ça, c'est pour des choses qui n'ont pas eu un châtiment spécifique. Sauf qu'il ne faut pas oublier non plus que la charia, c'est pas seulement le code pénal. Il y a beaucoup d'autres choses, mais tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, ça fait partie de la charia. Donc que ce soit le dua, le zakat, le hajj, le somme, le salat, le sahara, le buyou', le nikah, le talaq, toutes ces choses-là font partie de la charia. Comprends? Donc c'est pas juste une question de règles, de punition et tout ça. Et toi, tu as dit toi-même que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafur Rahim, n'est-ce pas? Donc tu crois en ça, n'est-ce pas? Tu crois que Allah est Ghafur Rahim, d'accord? Donc si tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala est Ghafur Rahim, alors tu dois savoir que dans ces règles-là et dans ces punitions-là, il y a une rahma. Il y a une rahma dans ces punitions. Même si certaines personnes ne comprennent pas où est-ce qu'elle peut être cette rahma, sauf que il y a réellement une rahma pour la personne qui se fait punir et pour les gens qui sont là, qui continuent à vivre dans la société. D'accord? La façon que Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié comment ces punitions-là doivent être appliquées, il y a une rahma dedans. Et pour la société, ça purifie la société en même temps. Quand les gens voient ça, ils vont savoir que c'est une chose qu'ils doivent s'éloigner de ces choses-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que il y a des croyants qui sont forts et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de penser à la punition pour s'éloigner de ce péché, d'accord? Comme Al-Zina par exemple. Il y a des croyants, ils ne vont même pas penser à commettre Zina. Pas parce qu'ils ont peur de se faire lapider, mais parce qu'ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils vont être punis au jugement dernier. D'accord? Donc ces gens-là, eux, pour eux, c'est pas un problème, la question de punition ou quoi que ce soit, parce qu'ils craignent Allah, ils craignent le jugement dernier. Et la plupart des gens qui se sont fait lapider, autant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont pas des gens qu'on a attrapés en train de faire le zina. Ce sont des gens qui sont venus eux-mêmes voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, j'ai commis le zina, applique-moi sur moi la punition d'Allah. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait appliquer sur eux la punition, d'accord? Mais étant donné qu'il existe aussi, et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'il existe des êtres humains, des musulmans qui sont plus faibles, et des êtres qui sont plus faibles, et que pour eux, c'est pas suffisant, leur foi est pas forte assez pour les empêcher de tomber dans ces péchés-là. Alors c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'il y ait des règles, des punitions dans cette dunya, pas seulement dans l'akhira, c'est-à-dire pas seulement pour le paradis et l'enfer, mais même dans cette dunya ici, pour prévenir que la corruption et le péché se répandent dans la société, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a établi ces règles pour qu'il y ait toujours dans la société un équilibre, pour qu'il n'y ait pas une exagération dans la transgression et dans tout ce qui est mal. D'accord? Mais al-mu'min, il y en a le croyant, il essaie toujours d'essayer de trouver et de comprendre la sagesse et de comprendre la rahma et la hikma qui est dans les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit pas douter, parce que c'est ce qu'il y a parmi des kuffars ou même parmi des munafiqins, il y a des hypocrites, des gens qui essaient toujours de faire douter les croyants et qui essaient toujours de semer des confusions et des doutes dans leur cœur au sujet de ces règles, en disant que ce sont des règles barbares, en disant que ce sont des choses atroces, en disant que ce sont des choses qui ne sont pas faites pour notre... qui sont des choses du Moyen-Âge qui ne sont pas faites pour s'appliquer à notre époque, parce que selon eux, ils sont plus civilisés et plus évolués que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un être incivilisé, non civilisé. Il n'avait pas compris encore la modernisme et tout ça, non. Alors, en fait, ils insultent Allah, ils insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit la même chose de Moussa. Parce que toutes ces règles-là dont on parle maintenant en ce moment, elles existent textuellement écrites dans l'Ancien Testament. Dans les cinq premiers livres de la Bible qui existent actuellement, c'est écrit mot pour mot les punitions dont on parle dans la charia. Alors, la raison pourquoi ils nous blâment, c'est parce que nous, on veut quand même les appliquer. Alors que eux, ils ont pris le livre et ils l'ont jeté derrière leur dos. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans son 1. كأنهم نبذ فريق منهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Ils ont pris un groupe des gens du livre, ils ont pris le livre d'Allah et l'ont jeté derrière leur dos. Ils ont fait comme si on ne sait rien. Et bien c'est ce qui se passe et c'est ce qu'ils ont fait actuellement. Et là, lorsqu'ils voient les musulmans en train de vouloir appliquer les règles que ces gens-là ont abandonné, qu'ils ont laissé tomber, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah, ça les fait avoir une jalousie. Hein? Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Il y a beaucoup de gens du livre qui aimeraient vous voir devenir mécréants, hein? Par jalousie dans leur cœur. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester ferme dans notre aqida. Donc j'essaie de répondre un peu à la question des frères. Tout ça c'est relié avec le sujet, donc ça vaut la peine de s'attarder un petit peu à cette question. C'est pour ça que j'ai voulu expliquer un petit peu. Je vais continuer après expliquer qu'est-ce que le chef nous dit. Donc pourquoi, donc comme j'expliquais, c'est pas seulement une question de vouloir appliquer la justice, comme on a expliqué, mais en fait, c'est une forme d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on applique la charia, c'est une adoration. On le fait parce que Allah nous le demande. Allah nous a voulu qu'on applique ses règles, donc on l'applique pour nous rapprocher de lui, pour qu'il nous agrée, pour qu'il nous aime, pour qu'il nous pardonne nos péchés et tout. Et donc, on le fait aussi, et on croit que ça, c'est un des droits qui appartient uniquement à Allah. Et c'est une de nos croyances. Ça fait partie de nos croyances. Croire que la salat est obligatoire et croire que la charia est obligatoire, c'est la même chose. Quelqu'un qui dit par exemple, je suis un musulman, mais je ne crois pas en la charia, c'est comme s'il dit, je suis musulman, mais je ne crois pas en Allah. C'est exactement la même chose, parce que la charia, elle vient d'Allah. Donc si tu rejettes la charia, tu rejettes Allah en même temps. C'est comme s'il dit, je crois en Allah, mais je ne crois pas au messager. Je crois en Allah, mais je ne crois pas au yawm al-akhir. Je crois en Allah, mais je ne crois pas au Yom Qiyamah, ou je ne crois pas au Jannah, ou au Nar, ou des choses comme ça. Si tu rejettes un, tu rejettes l'autre. Il ne faut pas dire j'accepte un seulement et j'accepte pas l'autre. Si les deux sont reliés ensemble. Après, le chef il dit, فَمَنْ يَحْتَكَمَا إِلَى غَيْرِ شَرْعِ اللَّهِ. Donc, celui qui juge par autre que la charia d'Allah, parmi les règles et les lois qui sont inventées par les êtres humains, alors il a pris ces gens-là qui les ont fabriqués, ces lois-là, ils ont pris ces gens-là comme des associés avec Allah, dans sa législation. Et Allah, il dit dans une ayah dans le Coran, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. est-ce qu'ils ont, yani en parlant des mouchriquins, est-ce qu'ils ont, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, des partenaires qui ont légiféré pour eux dans leur religion ce qu'Allah n'a pas permis? Allah subhanahu wa ta'ala, il pose cette question à ces gens-là. C'est-à-dire, ils ont pris en dehors d'Allah des gens qu'ils ont mis comme associés avec Allah dans la législation, c'est-à-dire dans le fait de pouvoir permettre ou interdire des choses. Hein? Et comme on a expliqué, il y a ceux qui le font dans les choses, les questions de l'ibadah, comme par exemple al-mubtadi'a, les gens de bid'a, ils inventent des lois religieuses qui ne sont pas dans l'islam. Et là, le cheikh, il parle de la dimension politique, c'est-à-dire les lois qui régissent les choses de la dunya. Et donc, la même chose pour ces gens-là aussi. Ils ont pris en dehors d'Allah des shuraka. Après, il dit, وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Là, c'est une autre ayah qu'on avait expliqué il n'y a pas le cours précédent, le cours d'avant, à propos de ceux qui ont voulu rendre la viande morte, la viande des animaux qui morts, ils ont voulu la rendre halal avec des arguments. Et Allah, il dit, ceux qui les obéissent dans ces arguments-là, eh bien, eux aussi sont comme eux des mouchriquins pour avoir rendu halal ce qui est haram. Non. Ceux qui suivent des lois qui sont contraires à l'islam, d'accord, parmi non, sont contraires à l'islam, dans ce qui fait partie des lois que les hommes instruments ont inventées et qu'elles sont contraires à l'islam, alors ceux qui suivent ces lois-là et qui croient en ces lois-là, eh bien, ils ont quitté l'islam. Ils ont quitté leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont pris des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de rendre halal ou haram. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, s'il permet ou interdit quelque chose, un être humain ne peut pas venir et dire le contraire. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Si une loi, par exemple, au Canada, la loi dit voler, c'est interdit. Ça, c'est pas en contradiction avec la charia. Donc, dans ça, on a le droit de les obéir et de respecter cette loi. Parce que c'est en accord avec l'islam. Mais si une loi se dit, par exemple, l'alcool est halal, alors là, tu n'as pas le droit de croire en cette loi. Si tu crois en cette loi, bien, tu as quitté l'islam parce que Allah, il a interdit l'alcool. D'accord? Tu n'as pas le droit, par exemple, de croire que la femme a le droit de marcher avec une mini-jupe dans la rue. Comme la loi canadienne dit, la femme a le droit de s'habiller comme elle veut. Si toi, tu crois que la femme a le droit de marcher sans vêtements dehors, eh bien, aussi tu as quitté l'islam. Tu comprends? Parce que cela dit le contraire de ce qu'Allah a dit. Hein? Même si tu le... Yani, ça, c'est un point aussi important à comprendre, c'est que même si, par exemple, tu ne fais pas le péché, tu n'as pas le droit de dire que c'est permis. Tu comprends? Même si, par exemple, tu dis, moi, je ne bois pas d'alcool, mais je crois que tout le monde est libre. Ça, yani, tu as quitté l'islam. Oui, parce que tu dis ce que les gens ont le droit de faire ce qu'Allah a interdit. Et si tu crois ça, même si tu ne le fais pas, le fait d'accepter la démocratie, alors ça revient aussi au fond. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils savent pas qu'il y a un lien entre ça et le tawhid et la démocratie, c'est deux choses complètement opposées. Mais les gens se basent, quand ils parlent de musulmans qui ne savent pas bien leur aqida, leur tawhid, eux, quand ils parlent de démocratie, ils pensent à la justice. Ils pensent à la liberté, oui, des choses comme ça, d'accord? Mais ils ne comprennent pas les fondements de la démocratie, et ils ne connaissent pas non plus les fondements de l'islam, et ils ne voient pas non plus la contradiction qui existe entre les deux, d'accord? Donc c'est pour ça le conflit qui existe actuellement entre les koufars et l'Occident, puis les islamistes, ceux qu'on appelle les islamistes, c'est-à-dire ceux qui font des partis démocratiques islamiques, pour appeler les gens à suivre l'islam à travers la politique démocratique. Comme si, par exemple, ils se mettent en groupe et ils se présentent aux élections pour faire un groupe islamique pour dire aux gens, votez pour nous, sinon on va appliquer l'islam après, on va faire appliquer l'islam dans le pays. D'accord? ça c'est pas bien parce que en fait j'utilise un système qui est contraire à l'islam pour essayer de prêcher l'islam et à la fin à chaque fois que des musulmans ont fait ça, ça a toujours tourné contre les musulmans à travers l'histoire, que ce soit comme en Algérie, comme en Égypte, comme en Syrie et en Turquie, et partout. Ça a toujours, les gens qui ont essayé d'utiliser cette méthode, à chaque fois c'est retourné contre eux. À chaque fois. Oui, hein, on suit la voie du prophète. Ah, mais voilà, ça là. Oui, c'est ça. C'est pas ça nécessairement, exactement. Le but de l'islam en premier, c'est quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Notre but, c'est quoi? C'est d'arriver à ce que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous et qu'on rentre au paradis, qu'on s'éloigne du shirk et qu'on s'approche du tawhid. Et donc, la question du pouvoir politique, c'est un moyen qui peut nous amener à ça, mais c'est pas un but en lui-même, tu comprends? Ça fait partie de ce qu'on dit comme les ulama, ils ont cette qa'ida, cette règle, qui dit « Ma la yatimu al-wajib illa bihi fa huwa wajib » Ce qui est nécessaire pour atteindre quelque chose qui est obligatoire, elle devient elle-même obligatoire. Donc, hein? Comme par exemple, c'est obligatoire de faire le wudu pour faire la salat. Donc, faire le wudu est obligatoire pour faire la salat. Mais ça, c'est on sait déjà. Mais si je te donne un exemple autre qui va être un peu plus clair, comme par exemple, Ibn Taymiyyah a dit à propos de la langue arabe que c'est obligatoire de l'apprendre. Il a dit que c'est obligatoire de l'apprendre et que ça fait partie de la religion. Et il s'est basé sur cette règle en disant que, étant donné que de comprendre le Coran et la Sunna est obligatoire, donc, puisque c'est obligatoire, que c'est un moyen qui t'amène, puisque de comprendre le Coran est obligatoire et que tu ne peux pas le comprendre sans connaître la langue arabe, donc tu dois apprendre obligatoirement la langue arabe pour comprendre le Coran. Donc c'est dans ce sens-là. Ma la yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Qui viennent ça c'est fou. Ouais, c'est ça. Ça en fait moi sur ce point-là, moi je suis contre ça, le fait que des représentants des partis politiques, yani, que ce soit des non-musulmans, yani, ou certains qui disent musulmans, qui sont musulmans vraiment, mais yani, qui font partie de partis politiques ici, au Canada, puis qui, par exemple, viennent faire des propagandes, ou des appeler les gens à voter pour eux dans les mosquées, ou dans les choses comme ça, moi je vois que ça. Mais il y a d'autres musulmans qui vont dire, ouais, c'est correct, parce qu'ils vont nous rendre service si on va pour eux, etc. Mais là-dessus, comme si, moi, mon opinion personnelle, c'est que c'est pas correct, mais peut-être que là-dessus, quelqu'un d'autre a des plus de renseignements, parce qu'en ce moment, là, je suis pas tellement renseigné. Non, c'est ça. Ouais. Donc, c'est sûr que ça, en réalité, c'est grave, parce que ces mêmes représentants-là, ils viennent ici, par exemple, ils viennent dans la mosquée. Non, mais souvent, ce ne sont pas des musulmans comme ceux qui sont venus dans cette mosquée ici. Souvent, il y a eu des ministres, puis des députés, des maires qui sont venus ici, ce ne sont pas des musulmans. Ils viennent ici, ils disent aux musulmans, on va vous aider, on va faire ça pour vous, on va faire ça pour vous. Le lendemain, ils vont à la synagogue, ou voient les juifs, ils disent, oui, on va faire ça pour vous, on va vous aider, on va faire ça pour vous. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous acheter. Ils veulent acheter nos votes. Ils veulent acheter nos visages, comme on dit. Et leur intérêt pour eux, qu'est-ce qu'on est, nous, pour eux? Qu'est-ce qu'on est autre chose? On n'est rien d'autre pour eux que des votes. Quand ils te regardent, ils regardent un vote. Et quand il te parle, il parle pour que tu lui donnes son vote. C'est tout. Le reste, il s'en fout de toi. Alors c'est pour ça que ces gens-là, je crois que le mieux, c'est de même pas leur permettre de parler aux musulmans ou quoi que ce soit. Là, ça c'est des questions, on rentre dans des choses. Ok, on va. Il y en a qui, je vais t'expliquer. Il y en a des musulmans qui ont dit, il y en a des chouïours qui ont dit, tu votes pour celui qui va être le moins nuisible pour les musulmans. D'accord? Tu votes pour celui qui est le moins nuisible pour l'islam. C'est ça de voir de son point de vue, est-ce qu'il a des positions plus proches des positions, par exemple, qui sont acceptées dans l'islam. Comme par exemple, s'il y en a un qui dit, bon, nous, on est pour les homosexuels, le mariage des gays, puis l'autre qui dit, non, nous, on est contre ça, des choses comme ça, tu vas essayer de voir lequel dit des choses qui sont plus en accord avec la parole d'Allah et la parole du prophète, sallam. Tiens, nous, tu essaies de juger de cette façon-là, mais Allahu a'lam, comme je te dis, je veux pas rentrer dans ça, parce que certains ulama vont dire, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله qui sont plus détaillés là, et ces questions-là, ça revient aux mujtahidin et aux ulama, les grands, ceux qui vont nous clarifier ces questions. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut ici? C'est seulement expliquer les règles de base, les principes fondamentaux en ce qui concerne la croyance sur ce sujet. Mais en ce qui concerne les petits détails dans l'application, dans les choses de la vie, là, il faut se référer à des ulama, des grands. C'est eux qui vont être capables de nous donner une réponse claire à ce sujet-là, d'accord? Et puis on va essayer de leur poser des questions comme ça. On va essayer de leur envoyer des questions, puis essayer d'avoir des réponses claires là-dessus. Comme ça, ça va nous aider à avoir une meilleure vision, puis à savoir exactement comment suivre c'est quoi la guidance en ce qui concerne ces questions, parce que c'est très important, puisqu'on vit ici en ce moment, puis on fait face à ces choses-là, donc on va essayer de voir c'est quoi la position la plus proche de la vérité dans ces questions-là, Inch'Allah. Je n'ai pas répondu à la question, parce que j'ai répondu à la question. Elle dit que le démocratie est interdit. Non, c'est contraire. Ceux qui votent, donc, par rapport à la démocratie. Oui, ça a un rapport là-dessus, mais comme tu dis, c'est sûr que c'est une contradiction, mais parfois, quand tu as le choix entre deux choses qui sont haram, tu prends celle des deux qui est la moins dangereuse, la moins grave. Hein? Ça, c'est une autre qaïda, c'est une autre des règles. Si tu as le choix entre deux choses qui sont haram, mais une qui est plus grave et l'autre qui est moins grave, tu prends toujours celle qui est moins grave. Tu essaies toujours de juger. Comme par exemple, il y en était ici, par exemple, moi je disais ça à des frères l'autre jour, je disais c'est ici, et puis tu vois qu'à l'école, il y a des femmes. Et tu t'assois dans la classe et tout le monde, on est tous mélangés. Et ça, c'est haram. D'accord? Sauf que, il y a ça qui est haram, et il y a une autre chose haram, c'est quoi? C'est que tu vas rester chez toi, tu vas pas étudier, et que tu vas, peut-être avoir des difficultés à subvenir à tes obligations et à tes besoins. Donc, ça, c'est une autre chose qui va te pousser à faire quelque chose de haram aussi. Donc, tu dois essayer de voir entre les deux, puis essayer de prendre celle qui est le moins grave. Surtout dans un pays comme ici, où la plupart des choses qui nous entourent sont des choses qui sont haram. D'accord? Toujours en essayant d'être sincère et de ne pas suivre nos désirs là-dedans, pour essayer de faire suivre nos passions, essayer d'être sincère envers Allah. Après, le cheikh il dit, « وَقَدْ نَفَى اللَّهُ الْإِيمَانَ عَنْ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى غَيْرِ شَرْعِهِ قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Donc le cheikh il dit, Allah, il a nié la foi pour ceux qui ont jugé par autre que sa loi, yani pour autre que sa charia. Allah, il dit dans un verset, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru en ce qu'on a révélé à toi, c'est-à-dire à Muhammad, et ce qu'on a fait révéler avant toi. Ils veulent juger selon le tarot. Le tarot, c'est, je pense qu'on l'avait déjà expliqué, le tarot, c'est tout ce qui est adoré ou obéi dans ce qui est concret à la religion d'Allah. Alors eux, « yuriduna an yatahakamu ila tarot, faqad umiru an yakfuru bih » Donc, ils veulent juger selon le tarot, alors qu'on leur avait demandé de rejeter le tarot et de ne pas croire au tarot. Donc, Allah, dans ce verset-là, en fait, il nie que ceux qui jugent par le tarot ont la foi. Parce qu'il dit, يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. C'est-à-dire, ils prétendent, ils ont prétendu croire en ce qui est révélé, mais en réalité, ils ne sont pas croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ont, cherché à juger selon Al-Tarut. Et, par exemple, les lois qui sont contraires à l'islam, sont fabriqués par l'homme, et bien ça, ça fait aussi partie du tarot. D'accord? Après, Allah il continue dans le verset suivant, ou bien jusqu'à, ça c'est dans Surat al-Nisa, de 60 à 65. Et après, le cheikh il dit jusqu'à ce que Allah dise, Fala wa rabbika la yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il jure par lui-même. Il dit, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. Jusqu'à ce qu'il t'ait pris, toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme juge entre eux, dans toutes leurs disputes. Et qu'ils n'aient pas trouvé en eux-mêmes aucun inconfort de ce que tu auras décidé, et qu'ils s'y soumettent complètement. Et donc, ça veut dire que s'ils n'ont pas pris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un juge entre eux dans leurs disputes, alors ils n'ont pas cru. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Allah, il jure par lui-même, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'auront pris toi, ô Muhammad, comme juge entre eux dans leur dispute. Donc, celui qui dit, je suis croyant en Allah, et puis après, il dit, quand il a une dispute, au lieu de juger selon le verdict ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va juger par des paroles des êtres humains qui disent le contraire de ce que Allah a dit. Alors là, c'est sûr que ces gens-là n'ont pas de foi comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans ce verset. Aïkoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais il y a justement après le cheikh, il donne une autre explication plus détaillée. C'est révélé. Oui, il le mentionne. Non, non, صحيح. Non. C'est ça, le chef, le frère, comme il mentionne, le frère Saïd, il mentionne que la raison pourquoi cette aïe a été révélée, c'est parce que, comme il a dit, il y avait un non-musulman, qui s'est disputé avec un musulman, et ils sont pour un monarque, c'est un hypocrite, quelqu'un qui prétend être musulman. Et pour se faire juger dans cette dispute, il ne voulait pas aller voir le prophète, il voulait aller voir un autre, cercle, un autre juif, pour qu'il juge, parce que il savait que peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam va juger pour l'autre, ou bien il va pas lui donner. Moi, oui, le mouchrik il veut prendre le Mohammed. Comme ça. Non, c'est ça, oui. Exact, non, c'est ça. Donc, alors là, après, je pense que c'est Omar ibn al-Khattab qui a coupé le ouais. C'est ça. Omar ibn al-Khattab, il a dit, oh, Ya Rasulallah, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. C'est la suite de l'histoire, Yanni. Je pense que le cheikh, il la mentionne après. Parce qu'il dit, il continue, il dit, فَمَنْ دَعَا إِلَى تَحْكِيمِ الْقَوَانِينَ الْبَشَرِيَّةِ فَقَدْ جَعَلَ لِلَّهِ شَرِيكًا فِي الطَّاعَةِ وَالتَّشْرِيعِ وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ يَرَى أَنَّهُ أَحْسَنُ أَوْ مُسَاوٍ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَشَرَعَهُ أَوْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِغَيْرِ أَوْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَذَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ لأن الله أنكر على من يريد التحاكم إلى غير شرعه وكذبهم في زعمهم الإيمان لأن قوله تعالى يزعمون متضمن لنفي إيمانهم لأن هذه الكلمة تقال غالبا لمن يدعي دعوة وهو فيها كاذب. Donc le cheikh dit, toute personne qui juge par autre que toute personne qui juge par ou qui appelle les gens à juger par les lois faites par les hommes, alors il a pris un partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'obéissance et la législation. Alors celui qui juge par autre que Allah, par autre que la révélation d'Allah, et qui croit que c'est meilleur ou égal à ce qu'Allah a révélé et a légiféré, et que c'est permis de juger par cette loi, alaykoum salam wa rahmatullah, il croit que ça c'est égal ou que c'est permis, ou que c'est égal ou permis ou meilleur, alors celui-là, il est kafir. Il a rejeté la foi en Allah, même s'il croit qu'il est croyant, même s'il pense qu'il est croyant. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié à celui qui veut juger par autre que sa sharia, il a nié à son sujet qu'il est croyant. Il a renié leur prétention à la foi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le mot yaz'umun. C'est-à-dire, ils prétendent, ils croient, ils pensent. Mutadamminun li nafyi al-iman. Et ça implique que leur foi, alaykoum salam wa rahmatullah, ça signifie que leur foi a été reniée. Parce que ce mot-là, comme yaz'umun, c'est utilisé en majorité du temps pour quelqu'un qui prétend quelque chose, mais qui est faux. Quelqu'un qui prétend quelque chose alors qu'il ment. Après, le cheikh dit, وَلِأَنَّ تَحْكِيمُ الْقَوَانِينَ تَحْكِيمُ لِلْطَاغُوتِ. De juger selon les lois faites par les hommes, c'est de juger selon le طاغوت. وَاللَّهُ قَدْ أَمَرَ بِالْكُفْرِ بِالطَاغُوتِ وَجَعَلَ الْكُفْرُ بِالطَاغُوتِ رُكْنُ التَّوْحِيدِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de rejeter et de ne pas croire au طاغوت, et il a fait du rejet du tawhid un des fondements du tawhid ou un des piliers du tawhid. كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Celui qui rejette le tawhid, qui a mécru au tawhid alors qu'il croit en Allah, alors il s'est accroché par l'anse la plus solide. Hein? Ça c'est une ayah dans sourate al-Baqarah. Après le cheikh il dit فمن حكم القوانين ولم يكن موحدا لأنه اتخذ لله شريكا في التشريع والطاعة ولم يكفر بالطاغوت الذي أمر أن يكفر به أن يكفر به وأطاع الشيطان كما قال تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Donc le chef il répète encore la même chose et il dit que celui qui n'a pas rejeté ou qui a jugé selon les lois faites par les hommes n'est pas monothéiste, c'est-à-dire il n'est pas mouahid, il n'a pas unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans sa croyance. Et il a obéi au shaytan, parce que justement dans le même verset qu'on a lu tout à l'heure, à la fin Allah il dit « فَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا » et le shaytan il veut les égarer d'un égarement lointain. Et Après, le chef, il dit, وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ حِينَمَا يَدْعُونَ إِلَى التَّحَاكُمِ إِلَى التَّحَاكُمِ إِلَى شَرْعِ اللَّهِ يَأْبَوْنَ وَيُعْرِضُونَ أو نعم حِينَمَا يُدْعَوْنَ إِلَى التَّحَاكُمِ إِلَى شَرْعِ اللَّهِ يَأْبَوْنَ وَيُعْرِضُونَ كما قال سبحانه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا et le cheikh il dit et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé au sujet des hypocrites al-munafiqun il a dit que à leur sujet que lorsqu'on les appelle à juger selon la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala ils refusent de s'y soumettre et ils se détournent non. Non, ça va.